Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui, Assemblage requis. François Landry sera enfin de retour de son long congé des fêtes avec le segment politique Logocratie 101. David Ferron nous fera une petite visite surprise, mais pas vraiment, nous présente une édition spéciale de La langue dans ton oreille. Et on se délectera dans la nouvelle chronique de Stéphanie, la bouffe de la semaine. Assemblage requis tout de suite. Juste pour toi. Puis moi? Bah, toi aussi. OK. Bienvenue à Assemblage requis. Alors, ce jeudi matin, 23 janvier 2014, je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. How you doing? Fine, and you? Thank you very much. So, on peut-tu arrêter là, l'émission en anglais? Mr. Roboto, non? Hein? Thank you very much, Mr. Roboto. Non, tu connais pas la chanson? Bref, t'as aucune culture. Ben non, non, peut-être que je la reconnaîtrais là, si elle était bien chantée, bien interprétée. C'est exact. Donc, bonjour à toi, Stéphanie Paradis, et bienvenue à Assemblage requis avec les auditeurs, les célèbres requins. Aujourd'hui à l'émission, on a un petit plan qui inclut François Landry à 8h30. C'est le retour de François Landry, on l'a pas vu depuis la mi-décembre. Je sais même pas si j'ai déjà vu sa chronique live en personne, en public, en direct. Dans les gradins? Non, je crois pas. Aujourd'hui, son sujet, c'est Fatima 4, Couillard 0, sans oublier les sondages. Oh! Oh, intéressant quand même. Ça, c'est à 8h30. Avant ça, à 8h, David Ferron. Hein? Ouais. Mais je vous ai averti hier, donc premièrement, il n'y a pas de crise cardiaque à faire parce que vous le savez depuis hier, si vous écoutez l'émission toujours. David Ferron va être là, mais pas vraiment, parce qu'on a du contenu de sa part. Et une lettre qui nous a écrit. OK, je pensais que ça allait être un hologramme, quelque chose de super hot. Comme à CNN, on n'a pas encore acheté ce gadget-là, ça sent bien. OK. On va débloquer un budget. Hologramme à la radio, c'est nécessaire. C'est là. Ça, exactement. C'est ça, un hologramme de poudre. OK. Ouais. Autour de ça, on va faire la bouffe de la semaine. Stéphanie, ta nouvelle chronique que t'as commencé la semaine passée. Ben oui, là, j'ai hâte. J'ai faim, j'ai pas déjeuné. On avait dit aux deux semaines, mais c'est tellement le fun. Faisons-la toutes les semaines. Mais c'est le fun. Ben oui, on s'amuse avec ça. En tout cas, si nous autres on se tanne ou si vous vous tannez, envoyez-nous des lettres pour on va arrêter. C'est ça. Je déjeunerai chez nous. Et tantôt, si vous voulez une inspiration pour une lettre, ben David Ferron en écrit une. Fait que vous allez pouvoir modeler votre lettre là-dessus. Ou pas. On verra. Ou encore pas. Et bien sûr, le classique du jeudi, c'est les instructions d'assemblage. Donc, on va apprendre comment mieux vivre notre vie dans quelques instants. Chouette. Eh, mais... Beau programme. Ouais, moi, ce programme-là, j'enregistrerais ça sur mon PVR, DVR, AVR... You know, la machine? Ben non, VHS. VHS. Cassette. Oui, hey, on a enregistré nos archives audio, assez fou, sur des cassettes VHS jusqu'en 2003. Genre. Ça se fait, ça? Ouais! Ouais! Ah. 2003, t'as 2003. Dit? 2003. Ouch! Ouais. En début d'émission, par contre, et on a beaucoup évolué depuis ce temps-là. N'ayez crainte, on est tout informatique maintenant. Une nouvelle entrée de Mardi Noir dans le palmarès francophone. Ah! Black Tuesday, you know? Oui. Ça fait des deals, ça? Des bons rabais? Penses-tu? Je sais pas. On va leur demander, parce qu'ils nous vendent, ils nous ouvrent leur cœur de ciment. J'espère que ça sera pas cheap comme les produits Black Friday. Du Black Friday. Cheap dans le sens de... Non-inspective. Ah! Toi, ta qualité, là, t'as tellement... T'es un gage de qualité dans la recherche de produits, ça paraît. Tu sais magasiner, ça que ça veut dire. T'es une fille. Merci. T'es un va. Une vache? T'es une fille. Moi, ouais, t'es une vache, ouais. Me. C'est fini! Non, ça fait que commencer, c'est l'assemblage requis jusqu'à 9h30. Trop belle Cœur de ciment. Crac! Comme Jackie Chan, il perd des ciments. C'était pas mauvais? Jackie Chan, non, il est quand même bon, c'est casque. Non, j'aime ça, Mardi Noir, c'est très bon. Je me demande qui a trouvé ça. Ben oui, c'est qui a mis ça sur Palmarès? C'est pas une certaine co-animatrice des Palmarès C'est fou le jeudi de 15h à 18h à l'antenne de C'est fou 80 FM. En rediffusion de vendredi de ouais. À 17h. 17h. Et le dimanche à midi. Plus facile, faites plus 3. Plus facile? C'est, hein? Plus Cécile? Facile. OK. Faut faire plus 3. OK. Puis on sait à quelle heure ça finit. C'est vrai? Wow! Si seulement j'avais plus d'instructions comme ça pour me guider dans la vie, j'aurais les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Des instructions? C'est facile? Oui, c'est pas mieux que moi. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Ouais. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez au charpon de numéro 39. Boulinez. Je pense que c'est le morceau qui traîne. Là. Numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ah! Oh, une belle cafetière. Ouais, mais ça marche pas. C'est les instructions d'assemblage où on essaie de mieux vivre en suivant les instructions d'Internet. T'sais. Internet. Ben, c'est la vie. C'est ça. Et une chance que t'es là, Stéphanie, pour pouvoir me remettre sur le droit chemin. Par exemple, le premier, c'est une façon de dormir, avoir environ 2 heures de sommeil en 20 minutes. C'est comme une compression de sommeil, d'accord? Donc, c'est par Little Yellow Barn qui nous poste ça. C'est une posture restaurative. Restaurative, restaurant qui nous restaure, d'accord? Restauration. De restauration. Qui calme le système nerveux, qui calme la fatigue musculaire et qui aide à ramener une bonne respiration. Plusieurs instructeurs de yoga offrent ça comme antidote à l'épuisement, à la maladie et au système immunitaire faible. Donc, je vous explique. C'est de vous coucher sur le dos, avec les bras vraiment écartillés sur le côté, et mettre vos jambes à la verticale sur le mur. OK. Est-ce que ça a du sens? Donc, on est couché, on est contre le mur, avec les jambes sur le mur, et puis on a les bras bien longs sur le côté. Oui. Ça a du sens. C'est ça, c'est la position-là? Oui. Pendant 20 minutes, tu vas dormir là, tu vas avoir comme 2 heures de sommeil. Bah, 2 heures de sommeil, ça dépend peut-être pour quelle partie du corps. Mm-hmm. Tu sais, peut-être que oui, ça peut détendre bien des muscles et tout ça, mais le cerveau n'aura pas de différence, lui, d'être couché comme ça, d'après moi. Hein? OK. Mais quand même, ça a plus de sens que, mettons, ceux qui dorment à l'envers sur leur divan. Tu sais, quand on était enfant, on se mettait la tête par en bas sur le divan, c'est la tête qui parlait en bas, le sang dans la tête, ça donnait un drôle de feeling. Mais bref, donc, essayez ça. Et donnez-nous-en des nouvelles. Fait que notre prochaine sieste, c'est appuyer contre un mur. Il y a des murs dans le bureau? Ouais. Pas dans le studio, parce qu'il n'y a pas assez de place pour s'étendre à soir. Peut-être. Ensuite, tiens, si vous avez des enfants et que vous voulez leur apprendre comment faire le ménage à la maison, très très simple, si vous avez des tuiles dans la cuisine ou peu importe la pièce de la maison, mettez du petit du ruban collant, du ruban adhésif sur une des tuiles, OK? Et faites un jeu avec le balai. Les enfants doivent amener les saletés dans le carré. Ah! C'est un petit jeu! J'aime ça. C'est le fun, hein? Oui, c'est bon, ça. La petite fille a l'air de bien aimer ça. Avec tes Froot Loops, hein? Je sais pas s'ils stand vite, par exemple. Je sais pas. Je change la case de place, rapetisse la case, fais plein de défis, tu sais. Ah, t'es brillant. Ah, mais ça. Merci. Ensuite, une autre bonne idée, comme toujours, tiens. Et celle-là, je peux pas l'essayer, moi, parce que je n'ai pas de mascara, malheureusement. Mais faites durer votre mascara 3 fois plus longtemps. Tu sais qu'un mascara peut sécher après que seulement la moitié a été utilisée. Donc, quand votre mascara commence à être sec, on dit d'ajouter 4 à 5 gouttes de solution saline. Donc, des gouttes pour le nez, entre autres pour les yeux. Je pense qu'il y a ça de plusieurs sortes, saline au sel. Bref, tu insères ça dans le truc. Tu prends ta baguette, tu brasses la baguette que tu utilises pour, je sais pas comment t'appelles ça, le bouchon, c'est ça, la brosse. Tu la mets dedans, tu brasses ton affaire. Et puis, Colin, ça dépoigne le menton. Moi, j'aurais vraiment des réticences à faire ça. Hein? Parce que c'est pas juste parce que ça sèche qu'il faut que tu le jettes. C'est parce qu'à chaque fois que tu insères ta brosse dans le tube, tu insères des bactéries avec. C'est vrai. Donc, je pense que c'est 3 mois. Après 3 mois, tu es supposé jeter ton mascara parce qu'il y a trop de bactéries. Tu te mets quand même ça très, très près des yeux. Mm-hmm. Donc, moi... Honnêtement, après 3 mois, peu importe ce qui se passe avec, je le jette. Mais est-ce que tendance à être sec avant le 3 mois? Non. Bon, donc, tu sais. Moi, ça n'a jamais séché, mais c'est important de laver sa brosse aussi. Des fois, on se demande pourquoi ça applique moins bien, on a le goût de le jeter. Lavez votre brosse. Souvent, ça vient, les mascaras reviennent avec un bouchon et la brosse à part. Donc, ça sert à ça. Vous pouvez refermer votre tube, laver votre brosse. Pendant ce temps-là, votre mascara ne sèche pas. Donc, après ça, quand votre brosse est propre et séchée, vous pouvez la réinsérer à l'intérieur. Mais c'est pas plus que 3 mois. Là. Moi, je conseille pas de garder ça plus longtemps. C'est un peu dégueulasse. Surtout, je vois beaucoup de filles, ils font plein de va-et-vient dans leur tube là, pour mettre du mascara dessus avec la brosse. C'est tellement la pire chose à faire pour rajouter des bactéries à l'intérieur. Ça sert absolument à rien, sauf à raccourcir la durée de vie de votre mascara. Wow! Merveilleux, ça. Moi, je ferai pas de blague de Mario Bros puis de partir sa brosse, parce que j'ai rien qui vient. Fait que la prochaine fois, Mathieu, mais pas... après 3 mois, jette ton mascara. Parfait. Je vais retenir ça. Règle de 2 minutes maintenant, tiens. Si tu vois quelque chose que tu as besoin de faire et ça peut être complété en dedans de 2 minutes, fais-le automatiquement tout de suite. Comme ça, tu vas avoir une affaire de moins à faire. Ça se fait en dedans de 2 minutes, t'as pas besoin de le remettre à plus tard, t'sais. J'aime ça. C'est plus long que ça, mais là, mets-le sur une liste puis tu le feras plus tard. Ça dépend. S'il faut, tu te lèves. C'est dur de se lever, hein. Deux minutes, c'est comme 8 heures de sommeil. Quand il est 5h30, 2 minutes. C'est un pas de désert. Ouais, c'est ça, c'est minutes. Ça. C'est comme les années de chien, là, c'est ça. En années d'humain. Pour avoir des cheveux longs, épais et super doux. Un petit conseil encore une fois de filles. Je sais pas pourquoi j'ai autant de conseils de filles aujourd'hui. On dit de mettre de l'huile de noix de coco organique, donc biologique, sur tes cheveux 2 à 4 fois par semaine. Le laisser de 10 à 25 minutes. Je trouve ça large comme fenêtre quand même, 10 à 25 minutes. Ensuite, tu laves ça avec du shampoing et tu fais ça jusqu'à ce que tes cheveux soient super soyeux et lisses. Tu réduis ça ensuite à 2 à 4 fois par mois. Et on dit que ça fonctionne très bien, selon Internet. Ah, avec quoi tu dis? De l'huile de noix de coco organique, biologique. OK. Organic coconut oil. Pourquoi pas? Pourquoi pas l'essayer? Mais je trouve ça long, moi, 25 minutes, là, je suis pas patiente, là. Tu fais quoi pendant ce temps-là? Ouais. Surtout si t'as les cheveux très très longs, t'en as partout de l'huile de coco. Ben non, mais tu te fais un mouton sur la tête. Ah oui. J'aimais mieux imaginer l'autre version. Non, l'huile partout. C'est ça. Pour te faire une pizza au Nutella S'mores. Nutella S'mores pizza. Oui, c'est ça. C'est de tartiner du Nutella sur une croûte pré-faite de pizza qu'on retrouve en épicerie. Tu mets un petit peu de mini guimauve dessus. Tu passes ça au four, 10 à 15 minutes. Pizza Nutella S'mores. Ah. Tu sais, ça remplace les biscuits Graham, la croûte à pizza. Oh, mais on peut tout simplement le faire sur une croûte à tarte de pizza Graham. Sur une croûte à tarte de Graham émiettée, il y en a déjà des croûtes faites. Ça pourrait faire ça aussi, ça pourrait être aussi bon. Mm-hmm. Ou sur une petite, juste n'importe quoi de tout petit, minuscule, genre pas une toast, mais tu sais, juste un petit pain pita, mettons au pire, ça pourrait être parfait aussi. Tout est bon. Je sais pas, j'ai l'impression que le pita va goûter trop fort, puis ça va être juste comme bizarre. Ou un pain nan au beurre. À l'oignon. Attends, ça passe trop bien avec celui-là, à l'oignon. j'ai essayé ça hier. Je sais pas si ça a fonctionné parce que j'ai vraiment une couette dans le toupette comme à tous les mondes du matin. Mais on nous dit de figer ou fixer votre coiffure. Après, vous êtes fait, vous avez passé le séchoir super chaud, comme toujours, sur vos cheveux pour après la douche, peu importe. Et après ça, de prendre le froid pour faire figer votre coiffure. Il y a un bouton froid sur le... Ouais. Je savais pas à quoi il servait. Apparemment, il sert à ça. Figer la coiffure, je sais pas, mais je sais que c'est bon d'utiliser l'air froid après parce que ça referme l'écaille du cheveu. Okay. Fait que ça fait qu'il va être plus brillant puis il va se casser moins facilement. Oh. Conseil de coiffeuse. Ben j'aime ça, c'est bon ça. C'est bon qu'on en ait parlé parce que pour vrai, je me demandais quoi faire avec ça. Puis on dirait que ça me fait peur d'appuyer sur le froid parce que la chaleur, elle s'en va tout de suite puis ça devient froid. Je comprends pas, c'est comme de la magie. Non, mais moi, j'utilisais ça déjà à l'avance parce que j'ai tellement les cheveux épais que d'utiliser le froid, c'est beaucoup plus facile de savoir si t'as encore les cheveux humides. Quand c'est chaud, on le sent plus que c'est humide. Okay. Mais avec le froid, on sait si c'est encore humide. Fait que c'est comme ça que je sais si je dois continuer à sécher ou pas. Et toi, ça doit te prendre 3-4 heures de toute façon, sécher tes cheveux, non? Non, mais c'est long. Allez, les cheveux longs. C'est long. Ouais, c'est... Un conseil d'hiver maintenant. On l'a déjà fait il y a quelques mois, mais je pense que c'était l'été. Fait qu'on va le refaire, c'est l'hiver. T'sais. Logique, l'hiver, ouais. Ça a du sens. De remplir des ballons d'eau, OK? Et d'ajouter du colorant alimentaire. Okay? Et une fois que tu vas les avoir gelés, tu vas pouvoir couper le ballon, enlever le ballon, et ça va faire de grosses billes de glace colorées. On dirait vraiment des grosses billes. Tu peux mettre ça, mettons, chez vous dehors. T'sais. C'est super beau, là, si tu le vois de loin. Ouais, mais il y a des c'est ballons. Non, tu enlèves les ballons après. Là. Mais il faut quand même que quelqu'un les gonfle. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, quelqu'un fera ça dans ton dos comme surprise. C'est beau! Ouais. Ça sert à quoi? C'est beau! OK. Tu peux jouer aux billes géantes, là, en plus. Décorer ton parterre l'hiver. C'est ça. C'est quoi le jeu de billes de personnes âgées, là? La pétanque? Non, les petites billes. Un petit jeu de billes, là. C'est une planche en bois, là. Ah, le t'as peu les dames chinoises? Je pense... Oui. En étoile, là? Oui. Pourquoi de personnes âgées? C'est donc bien... Ben, c'est ça. Âgiste. Ben là, tu sais... Si tu me dis genre petit bonbon blanc avec des lignes rouges dessus, mais aussi des personnes âgées, c'est juste c'est des caractéristiques. Bonbon blanc avec des lignes, c'est juste des bonbons de restaurant. De personnes âgées, come on. Ah, arrête donc, c'est super bon, j'aime ça. C'est pas un reproche, là. C'est vraiment pas un reproche. Je suis pas une personne âgée. OK, je te crois, je te fais confiance. On nous dit, encore une fois, selon Internet, c'est des instructions d'assemblage, en passant pour ceux qui suivent pas, là, des conseils pour mieux vivre. C'est qu'une cuillère de beurre d'arachide avant de te coucher va t'aider à brûler plus de calories pendant que tu dors, nous dit Farewell, trait d'union fat.tumblr.com. Oui, c'est très crédible comme source. Mais pourquoi ça... Je sais pas. OK, y a rien de plus? Non, mais pourquoi poser des questions si on me dit de manger une cuillerée de beurre de pinotte, mais manger une beurre de pinotte? Mais je pense pas. Non, peut-être pas. Mais c'est parce... En fait, moi, j'ai l'impression que quand tu manges trop tard avant de te coucher, ton corps, il travaille fort, fait que tu dors moins bien parce qu'il travaille à digérer, donc il se repose pas. Hmm. Moi, c'est le feeling que j'ai, là. On va devoir pousser plus la recherche. C'est quand même très calorique, hein, une cuillère de beurre de peanut. Sûrement, peut-être qu'ils conseilleraient plus du beurre d'arachide, genre naturel, bio. Mais c'est quand même plein de calories. Ah oui? C'est du bon gras, des bonnes calories. OK. Mais c'est sûr que si tu dis, hey, je vais maigrir, je vais manger plein de beurre de peanut, là, non. Non. Non, c'est 100 calories par cuillère à soupe. Aïe, aïe. Tu connais ça par cœur, on dirait. Ben, je. Un petit conseil de nourriture, tiens, qui là peut-être va gâcher un peu l'idée de manger des légumes et tu me diras vraiment, mais t'es fou de conseiller ça. Si t'aimes les carottes, mais pas assez, que tu tannes un petit peu du goût des carottes, moi honnêtement, je me tanne du goût des carottes, ajoutez de l'assaisonnement à tacos sur vos carottes. Ah. Ça donne un petit kick. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est le fun. On n'est pas obligé de les manger tout le temps nature, là, les légumes. Là. C'est majoritairement nature. C'est des carottes au 95%. C'est ça, aux carottes. Au 95%. Alors, non, j'aurais pas dû l'essayer, celle-là. ensuite, de ça, tiens, juste une façon de mieux vivre littéralement ici. Admets quand t'as tort et ferme ta gueule quand t'as raison. T'sais, façon simple d'améliorer la qualité de vos relations. Hein? T'sais, t'admets quand t'as tort, puis quand t'as raison, tu te vends pas. Admettre quand j'ai tort, ça va. Okay. Mais fermer ma gueule quand j'ai raison, ça, j'ai vraiment de la misère. Fermer ma gueule en général. Hein? Fait que si je fais 1 sur 2, je te donne 0.5 points. Mais ça va-tu quand même m'aider dans la vie? Oui, probablement, oui. OK. Oui, OK, oui. On est d'accord là-dessus. Je vais faire le contraire. On va compenser pour l'un et l'autre. C'est bon. À l'émission, du moins. Aux animateurs, j'arrêterai pas de leur dire que j'ai raison. Si tu envoies une invitation de mariage au président des États-Unis, à Barack, B-Rack, comment on l'appelle? Ah oui. Tu vas recevoir un message de félicitations de lui à la première dame. C'est un message déjà tout fait, là, mais il t'envoie ça quand même. Félicitations pour ton mariage, on n'ira pas. Mais félicitations, tu sais. Ah, ben, écoute donc. C'est cool. Ben, c'est quand même le fun d'avoir une réponse. C'est comme le Père Noël. Oui. Quand il te répond à tes lettres. Lui, c'est à la place d'être chaud, c'est genre B-O-B-O-B-O, comme Barack Obama. C'est bon. Ouais. Essayez-le, voir si ça fonctionne. Monsieur Barack. Dear B-Rack, frotte des cubes de glace sur ton visage. La température faible va être un choc pour ta peau et va t'aider à... ça va renforcer... J'ai toujours de la misère avec ce mot-là. Pourquoi je l'utilise, je sais pas. Ça va renforcer tes pores. Ça va les... T'sais, tu mets de la glace sur ta face, floup! Les pores vont flouper. Flouper? Tu vas te flouper à la face? Peut-être pas. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent. Je sais pas. Aucune idée. Pas sûr. Le cornstarch. On en parlait hier. La fécule de maïs. La fécule de maïs. On avait une très bonne blague là-dessus. Vous la retrouverez dans les instants classiques, je vous gage. Mais le cornstarch, ça peut défaire toutes sortes de nœuds. En fait, t'as juste à frotter du cornstarch, fécule de maïs, sur des lacets de souliers, sur des chaînes, sur des ficelles qui sont pognées ensemble. Et ça devrait être plus facile à défaire avec la fécule de maïs. Ah ouais? Ah oui! Faudrait l'essayer, encore une fois. Nous, on peut pas l'essayer, là. Ça veut dire qu'il faudrait se faire un nœud quelque part. OK. dans une queue de cerise dans ta bouche. Hey, c'est bien trop dur. Floup, floup. J'ai réussi une fois. Ah oui? Sur 40 000 essais. Arrête, pour vrai, t'as réussi? Ouais, sur 40 000 c'est essais. C'est quand même un exploit. Ouais, mais je devais être vraiment lette quand je faisais ça. Genre... C'est pas une belle face pantoute qu'on fait avec ça. Squeezer, compresser, tordre, si on veut. Moi, non? Squeeze. Ah, peut-être pas. J'essaie de trouver une traduction française. Fouérer. J'aime ça. Flouper. Flouper un citron ou une lime dans votre shampoing, ça va arrêter de faire des petits frisottis un petit peu. Ça va empêcher les frisottis dans vos cheveux. Nous dit-on, encore une fois, une affaire à essayer. Des trucs qui tuent votre métabolisme maintenant, c'est une petite suggestion de choses à manger moins. Donc, que si tu manges une nourriture-là, tu vas prendre du poids et que si tu les laisses tomber, tu pourrais perdre du poids. Nous dit-on, et là, tu mettras un petit peu là-dedans, le sucre, je pense que ça, c'est évident. Pas totalement. Pas totalement. Pas tous les sucres. Les sucres de fruits, mettons. Mais comme nous disait Cindy la semaine dernière, c'est le cerveau se nourrit de sucre. Voilà. Donc, on a quand même besoin. C'est comme couper dans le gras, ça prend quand même du bon gras. Faut en consommer. On peut pas tout supprimer. On a besoin d'un peu de tout. Donc, si tu t'abandonnes un petit peu le sucre, mais pas tout ton sucre. Mais c'est sûr, c'est parce que ça dépend quel sucre. Là. Si tu tombes des sucres raffinés, ça donne rien. Là. Ton corps en a pas besoin. Mais il y a différents sucres et différents gras aussi. Mais tu sais, mettons un carré Rice Krispies, mettons. Ben, ça sert à rien de manger c'est ça. Donc, à part pour le goût. Oui, mais ça, le méchant bon goût. Donc, le sucre. Ensuite, les grains. Les grains. Les graines. Tout ce qui est genre. Les grains. C'est ce que c'est le grain. Est-ce que tu parles genre du blé puis comme de la farine? Ouais, genre. C'est ce que j'en comprenais. Ouais. Le lin et tout ça. Peut-être. Je sais pas. Ou pas tu parles de graines dans le sens, mettons, des graines de tournesol. Ben, moi, c'est ce que ça me montre sur l'image, c'est du pain et des pâtisseries. Donc. Okay. Ça peut aider. Bon, on a besoin quand même de manger un peu, okay. Des grains entiers. L'huile de canola, mettons. C'est pas du bon gras, ça? Je sais pas. Et de l'aspartame, mettons. C'est le top des trucs qui tuent votre métabolisme selon Internet. Ah, aspartame, non. On aime pas ça? Non, on aime pas ça. C'est le seul qu'on retient? Ben, j'aime pas tout ce qui est comme pas naturel, tu sais. On s'entend de l'aspartame. Moi, je suis pas fan. Déjà, je déteste le goût de tout ça. Tout ce qui est sucralose, j'aime pas ça. Je préfère quand c'est sucré naturellement. Tu sais, des fois, du sucre de canne, du miel, un peu de sirop d'érable. Ça va être juste ce qui va te donner un bon goût, un petit sucré. Mais c'est parce que l'idéal, c'est de juste réduire d'un peu de tout. On a juste tendance à manger des trop grosses portions. Mmh. Du pain, il faut en manger, mais il faut faire des meilleurs choix, prendre des grains entiers au lieu de prendre du pain blanc, parce qu'il n'y a absolument rien que ça t'apporte. Et le taux glycémique est très haut, donc où ça va faire monter ton taux de sucre dans ton sang beaucoup plus rapidement qu'avec des grains entiers. Donc, c'est bon d'en manger, mais c'est bon de se contrôler aussi. Génial. Il faut pas que ça soit la base de notre alimentation. OK, cool. On retient ça? Moi, c'est... J'aime beaucoup ta participation à cette chronique-là. Parce que sinon, ça serait vraiment n'importe quoi. Ensuite, continuons avec... ça, j'aime beaucoup ça. C'est de virer tous tes cintres dans ton garde-robe à l'envers. Je pensais dire tes cintres. Tu veux que je vire mes cintres par où? On a tous regardé des galeries de photos de cintres en arrière dans le dos de madame avec, tu sais, des études de poitrine dans le dos. Là. Oh, oui, des décolletés dorsaux. On faisait ça... Beaucoup trop dans la vie. Je crois qu'il faut garder des photos de ça. De virer vos cintres à l'envers. Et une fois que tu portes quelque chose pendant l'année, okay, ben tu le remets tout le temps à l'endroit. Quand tu portes quelque chose, tu le remets à l'endroit dans le garde-robe. Okay? Et à la fin de l'année, les vêtements qui sont toujours à l'envers, que le cintre est à l'envers, mais c'est déjà pas porté cette année, donc débarrasse-toi. Oui, c'est vrai qu'on devrait faire ça. Ouais. Mais... À une œuvre de charité, bien sûr. Oui. Mais sinon, juste moi, d'ouvrir mon garde-robe, fait comme, j'ai ça, c'est suffisant pour me dire que ça fait peut-être un petit peu trop longtemps que je ne l'ai pas mis. Exact. On dit que c'est un mal de tête. Hein? On dit de tremper ses pieds dans l'eau chaude. Ta tête va aller mieux si tu trempes tes pieds dans l'eau chaude. Quand t'as un mal de tête. On l'essaye, ça vaut la peine. C'est un peu le principe réflexologie, tu passes par les pieds. Là. Ouais, tu peux te masser la rate en te pognant le gros orteil, je sais pas c'est lequel. Flatter la rate, oui. quand tu t'inscris à un magazine, tiens, utilise donc un faux nom. Il n'y a rien de difficile là-dedans. Utilise un faux nom et comme ça, tout le spam que tu vas recevoir par courriel ou genre les lettres ou les cossins de catalogue que tu vas recevoir, s'il y a le faux nom dessus, tu vas voir à partir du faux nom, ça vient de qui? C'est la faute à qui de t'avoir envoyé du spam, mettons. Si mettons ton catalogue IKEA est au nom de Bart Simpson, puis là tu reçois quelque chose d'autre, puis ça porte le nom de Bart Simpson, mais tu sais que c'est IKEA qui a vendu telle information, tu sais. Fait que c'est trop faire, c'est IKEA, tu comprends ça? C'est pas fou. Ouais, non, je comprends. C'est pas fou. Pas fou? C'est pas fou. C'est pas fou pour une fois qu'il n'y a pas juste du contenu de merde dans ce comic-là. On aurait dû faire ça aussi avec, tu sais, certains magazines qu'on reçoit en beaucoup trop de copies, assez fou. Un magazine religieux, mettons, mais on dira pas religieux. Je sais pas, ça a l'air religieux quand tu le regardes en maudit, par exemple. Ben, c'est juste bizarre. L'as-tu lu? Ben non, t'es-tu fou? Il y a 15 affaires religieuses dedans. C'est de la propagande. Pour vrai? On paye pour ça. Mais non, il n'y a jamais personne qui a payé pour ça. Hey, on le reçoit en 3 copies, là. Je pense qu'on paye pour ça. OK. On en parlera à quelqu'un d'autre. Une blague à jouer à vos amis. Au travail, au bureau, dans la vie, chez vos amis, peu importe. Prenez votre grille-pain, OK? C'est vraiment, vraiment cave, mais c'est juste drôle. Virez-la à l'envers, OK? Donc, le bouton pour faire descendre le pain est de l'autre côté, vers le mur, OK? Et tu mets un papier dessus qui dit « Il est activé par la voix ». À l'avant, fait que là, les gens vont faire « Toaster on ». Genre, je vois ça bien drôle. Donc. Allez au sauna une fois par semaine. Un sauna? Pas le spa, moi, je mélange tout le temps spa et sauna. On parle de sauna. L'affaire où t'as plein de vapeur dans une cage en bois, genre. C'est plus le même, c'est plus le même, je pense. Bref, il y a différentes sortes de sauna. Il y en a en bois. Oui, il y en a en bois, ça sent bon. C'est vrai, ça. Donc, aller au sauna une fois par semaine, ça va vous débarrasser des toxines par votre sueur. Et bonus, ça va améliorer la flexibilité des muscles et ça va améliorer les vaisseaux sanguins. Ça ne dit pas vraiment ce que ça va faire à vos vaisseaux sanguins, mais ça va les améliorer. Ben, ça les dilate. Dilate. Comme la rate de tantôt. Je pense que ça fait juste comme augmenter la circulation sanguine, donc ça facilite le passage des fluides d'hémoglobine. Ça a l'air vrai, dis-moi. Je suis sûr que ça l'est. Ensuite, tiens, essayez d'éviter de laver vos cheveux à tous les jours. On l'entend souvent dire et jamais je l'écouterai parce que j'ai les cheveux tellement gras quand je saute une soirée de lavage de cheveux, ça n'a pas d'allure. Mais je me demande s'il n'y a pas un lien. Je pense que oui, si j'arrêtais de le faire à tous les jours, ça arrêterait d'être gras après une journée. Ben, j'ai l'impression que tu enlèves toute ta protection naturelle et là, ton corps se bat pour essayer de reprendre le dessus. C'est un peu comme le principe d'être pogné avec du lipsil, là, du baume à lèvres. Quand t'en mets, ben, ton corps produit plus l'hydratation naturelle. Fait que là, tu deviens totalement dépendant. Et on a vu ce que ça donne. T'es tout le temps avec ton doigt dans le pot de vaseline. Ouais. C'est ça. Juste le doigt. Juste le doigt, oui, s'il vous plaît. Donc, on revient au shampoing. On évite de laver ses cheveux tous les jours. Et constamment se shampooiner, ça fait que les cheveux et ta peau deviennent secs et ça va augmenter la production de d'huile corporelle. Bref, c'est comment ça je disais. Pour compenser. Sébum. C'est à peu près ça. Tu vois, de sébum, tu avais tout à fait raison. Si t'es capable de choisir un sujet pour une quelque chose que tu as à écrire, là, que ce soit pour l'école, tu sais, genre, faut que tu écrives un texte. Là. Une dissertation. Dissertation de quelques mots. Là. Si tu as le droit de choisir ton sujet, choisis un sujet qui te rend, genre, fâché. Je sais que tu te fâches. Parce que comme ça, tu vas avoir tout le temps quelque chose à dire, puis tu pourrais parler pendant des heures de ce sujet-là, puis ça va s'écrire tout seul. T'aurais pas de misère, toi, à faire des dissertations? Ah, j'en connais des pires. Chiale. Pour la peau huileuse, encore une fois, on vient à la peau huileuse dont on a parlé tantôt. On nous dit de piler une banane, okay? De rajouter une cuillerée à thé de miel et quelques gouttes de jus de citron. Tu appliques ça sur ton visage, tu laisses ça pendant 10 minutes et tu rinces. Et c'est un remède pour la peau huileuse. Non, non, mais regarde-moi, tu penses-tu vraiment que je suis capable de m'étendre la banane d'en face? Sans te licher. Puis la laisser là pendant 10 minutes. Oublie ça, c'est sûr que le tour de la bouche, il n'y aura plus rien. Là, j'ai la langue. Surtout que du miel. C'est du miel, puis quoi? C'était du miel, puis du citron. Si je peux te répéter, c'est donc une banane pilée avec une cuillerée à thé de miel et quelques gouttes de jus de citron. Voilà, 10 minutes sur le visage. Hey, c'est long, 10 minutes. C'est un peu long. Tu sais, c'est la moitié de ce qu'on vient de faire comme chronique. Tu fais ça quand t'es tout seul chez vous, hein? Oui, qu'il y a juste ton chat pour te voir. Post Canada sonne chez vous. Bonjour, madame! Qu'est-ce que c'est ça? on revient au mascara. Eyeliner, c'est bien du mascara? Non. Non, le eyeliner de bord. On laisse faire le mascara. Eyeliner, c'est quoi? Du eyeliner. Il y a un mot en français pour ça, sûrement. Je sais pas. Un traceur... Traceur oculaire. C'est ça. Un traceur oculaire. Donc, mettez-le dans votre congélateur pendant 15 minutes avant d'utiliser et ça va empêcher le bout, genre le truc de dessus, de se défaire en miettes. Ça va être plus doux comme application sur votre peau. OK. Nous dit-on dans le congélateur. Ensuite, tiens, une petite feuille qu'on utilise dans la sécheuse, les petites feuilles de douceur, comment on appelle ça? Oui, oui. De la douceur, comment on appelle ça? Oui, oui. Donc, une feuille que tu mets dans la sécheuse d'habitude, tu mets ça dans ta poche d'en arrière, dans tes pantalons, okay? Et ça va repousser, bon, les moustiques l'été, c'est peut-être pas le moment pour ça, mais si t'en mets un petit peu partout dans ta maison aussi, ben ça va sentir meilleur. Donc, ça sent dans le. C'est vrai que ça sent bon. On est tout le temps dans notre poubelle, en dessous du sac de poubelle. Bonne idée. Puis, moi, je m'entraînais tout le temps dans ma sacoche l'hiver. Tu t'entraînais dans ta sacoche quand il y a de la place là-dedans, une vraie sacoche de fille. Jumping Jack, tu t'es entraîné dans ta sacoche. C'est une blague. OK. Wow. Ben, fait que je me traînais des feuilles d'assouplisseur dans ma sacoche. Parce que l'hiver, quand on a de l'électricité statique dans les cheveux, là, ben tu te passes ça dans la couette. Là. Puis ça enlève tout le statique. Wow, tu devrais continuer de faire ça parce qu'ici, tu enfonces tout le temps sa poignée de porte. Ouais, je sais, mais c'est parce que je vais pas m'en mettre à chaque fois. Ça fait quand même de la petite poussière blanche. Là. On pourrait pas mettre genre ça avec un élastique autour de la poignée de porte, ça empêcherait les. Ben oui, c'est vrai, on pourrait faire ça, une belle petite feuille de bounce c'est autour cute. De la poignée de porte. Tu le bord de la console aussi, j'en prends tout le temps sur le bord de la console. Ah oui, là! On va se faire des protections d'assouplisseur. Après le baby-proofing, là, genre mettre les enfants à l'épreuve de bébé, tu vois, à l'épreuve de la statique. Si t'as un ami qui est en retard, on va finir bientôt cette chronique-là. Si t'as un ami qui est en retard dans une émission de télé, qui a pas vu les derniers épisodes les plus récents en anglais, mettons, tu sais, toi tu l'écoutes en français, ou l'autre l'écoute en français. En tout cas, bref. À la place de lui demander, genre, t'as-tu vu le bout où l'autre meurt? À la place, tu demandes, hey, jusqu'où t'es rendu, t'sais. Ben oui. C'est logique, là. Bon, mais moi, à chaque fois que je fais ça, t'es rendu où? La personne, oh, je sais pas trop, là. Raconte-moi tout ce que t'as vu jusqu'à temps que je sache pas ce que c'est puis que je sois fâché contre toi parce que tu m'as spoilé ma série. Genre, c'est pas fin, ça. Bref. Ça fait des chicanes, ça. C'est ça. Vivez donc mieux en écoutant nos conseils. Pas toutes, par exemple. Deux des traitements les plus efficaces contre la dépression, c'est l'exercice et passer du temps avec ses animaux de compagnie. Oh! C'est vrai, ça. Bon, ça veut dire que je vais aller faire du jogging avec mon chat. Et voilà. Dans ta poche, en arrière. Moi, j'ai plus l'impression qu'elle va traîner sur l'asphalte puis ça va faire des flémiches. Si t'es sur la route, t'es on the road again, t'as besoin d'une salle de bain, OK? Trouve un hôtel, parce que les salles de bain sont beaucoup plus propres qu'une station-service. Un hôtel. Est-ce qu'ils vont te laisser entrer si tu prends pas de chambre? Ouais, probablement. Ouais. Ben, dans le hall. Oh, ouais, c'est ça, dans le hall. Ouais. Mais c'est pas pratique, ils vendent pas de chips et de chocolat à l'hôtel. Il y a sûrement un petit comptoir avec une barre de chocolat à 16$. Puis une mini-bouteille de vodka à 48. J'ai aucune idée. Les humains... Ah, ça veut dire ça, les humains peuvent avoir un petit buzz. Genre un petit buzz en prenant de l'herbe à chat. Ah ouais? On peut faire ça apparemment, fumer de l'herbe à chat. Ah, faut la fumer? En le fumant, ouais. OK. Étrange, hein? Des sacs de thé, tiens. Utilisez votre... attends un peu. Oui, c'est ça. Des sacs de thé qui ont été passés au réfrigérateur. Réfrigérés, donc au réfrigérateur. C'est excellent pour empêcher les cercles noirs sous les yeux, les yeux pochés. Moi, j'avais déjà entendu ça pour les cernes en dessous des yeux. Je sais pas si ça fonctionne, mais il y a beaucoup de produits au thé. Je sais pas si c'est une mode ou si ça marche vraiment. Il y a tellement de choses comme ça qui sont des modes, mais faudrait l'essayer. À cette heure-là, je suis cerné encore. On pourrait travailler. Puis tu sais, en plus, c'est qu'il y a une petite corde, fait que tu peux vraiment l'attacher après tes lunettes. Ouais. On verrait absolument rien. On aurait les poches de temps en arrière des lunettes. Ce serait parfait. Et deux phrases cute pour terminer. Vous savez comment j'aime terminer avec des petites phrases cute. Le problème dans le monde, hein, c'est que les gens qui sont intelligents doutent d'eux-mêmes et que les gens qui sont stupides sont remplis de confiance en eux-mêmes. OK. Ah, c'est pas pire. Hein? Donc là, présentement, si je suis confiante en moi, je suis juste stupide. C'est ça. Mais comme... non, je doute beaucoup. Non, c'est le contraire. Quoi, j'ai rien compris. Tu t'as viré ça à l'envers là, pour rendre ça... Non, non, non. C'est que les gens qui sont intelligents sont remplis de doutes et les gens qui sont stupides sont pleins de confiance en eux. Mais c'est pas ça. Parce que t'as de la confiance en toi que t'es stupide, c'est les gens qui sont stupides ont confiance en eux. Tu sais? Ben, ça revient pratiquement au même, là. Ouais, à peu près, hein? Est-ce que t'aimes mieux celle-là, tu sais? tu peux être la plus belle pêche, la plus fraîche dans le monde. La plus belle, la plus savoureuse, mais il y a tout le temps quelqu'un qui va pas aimer les pêches autour de toi. C'est vraiment quétaine. Tu peux être la plus belle pêche, mais il y a toujours quelqu'un qui aime pas les pêches. C'est vraiment quétaine. C'est vraiment quétaine, ouais, c'est ça. C'est vraiment quétaine. Ouais, mais j'aime ça. T'sais. Je m'assume dans ma quétaine. OK. Je la trouve cute. Mais ouais, c'est la pêche avec quelque chose du petit poil. Moi, c'est le petit poil qui me dérange. C'est toi qui as du petit poil, t'abandonnes. Ouais. Voilà pour les esprits d'assemblage, c'est. Ouais. Pas la meilleure fin de chronique ever, mais quand même, t'es pas pire. Non, mais tu sais, les nectarines, c'est comme des pêches nues. Ouais. Épilées. Mm. Dans le fond, les nectarines, là, c'est les douchebags des pêches. Oui. Mm. C'est pile. Ça, c'était cute. Ça, c'est une belle phrase sur laquelle terminer. Merci, Steph. Ça fait plaisir. Au retour, David Ferron et la langue dans ton oreille à Assemblage Rocky Resté. Je vais me faire un t-shirt avec cette phrase-là. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Toujours à Assemblage Rocky en ce jeudi 23 janvier 2014, il est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Je répète encore une fois, mais j'aime beaucoup faire les instruments d'assemblage avec toi parce qu'en même temps que d'apprendre des choses, on démystifie des mythes. Mais là, je tiens à préciser, j'ai pas la vérité absolue, là, la vérité infuse comme le thé. Le thé, mais plus que moi déjà. Là. Ben, je sais pas, ça peut juste aider les gens à se questionner sur les gestes qu'ils posent à tous les jours au lieu de juste... se fie à tout ce qu'on entend. À la radio, genre, quelle gang de menteurs! Ouais, non, mais c'était le fun. On écoute une autre nouvelle entrée du palmarès anglophone, cette fois-ci du côté... cette fois-ci du côté anglophone, parce que c'est dans le palmarès anglophone, on s'entend. Oui, merci. On s'en va entendre la pièce Lover Suicide de Dear Criminals. Puis après ça, ben, David Ferron, la langue dans ton oreille. Combat de chat. There's this thing called Lover Suicide. When you kill your heart just to see it die, rip it from its cage, just to feel it dry, press it against her chest and you wonder why. There's a thing called love, a suicide, when you kill your heart just to see it die. Rip it from its cage just to feel it dry. Press it against the chest and you wonder why. So tempting, although you know at the end you won't be standing. How empty when your heart is left stranded. Unto love, a lover's suicide. Anything that you want, just like your words, they'll come and leave. I will. anything you want. Me, kiss me, hold me, love me, strangle me if you can. I won't be flash, I want it now. I'm the cellular line. Tell me, write me, draw me anything that anything you want. Just like your words will come and leave, I will be anything you want. Me, kiss me, hold me, love me, strangle me if you can. Won't you flash, I want it now. I'm the cellular line. Tell me, this place you belong. Touch me, touch me, touch me now. Or carry me along. Hold me, hold me, hold me, hold me tight when I'm gone. Kill me, kill me, kill me, kill me now. Bury me alone. Lover Suicide, The Dear Criminal, c'est calme, c'est bon, j'aime ça. Ouais. C'est un nouveau, nouvelle entrée du palmarès anglophone. Qui fait du bien, je trouve. Ouais, on va la réentendre dans les palmarès, c'est fou cet après-midi. Maintenant, David Ferron est arrivé presque. En fait, pas vraiment, mais vous allez voir pourquoi. C'est la langue dans ton oreille. Oh, je m'ennuie du petit chat! Ben oui, on l'entend plus ben parce que David Ferron nous a quittés comme chroniqueur. Feu David Ferron. Mais oui, mais c'est pas grave, on le retrouve à brancher le monde et on fera ses plugs à la fin de la chronique. Mais ah, là, il est pas feu? Il est pas feu, non. Il est encore vivant, malheureusement. Non, c'est pas vrai. Oh! Pas de blague. Mais ouais, on le voit plus. Donc, loin des yeux, loin du cœur, hein, comme on dit. Ben non! Non, c'est pas vrai. Hey, il a quand même gagné le quiz C'est fou. Il a gagné. J'ai manqué la au fin. Au carnaval. J'ai manqué la dernière ronde. Ben oui, il est venu nous dire une bonne quarantaine de fois qu'il avait pas triché. Hein? Parce que moi, on le sait, David, t'es bon naturel. Moi, il m'a impressionné. Okay. Sincèrement, il m'a impressionné. Il a vraiment travaillé fort dans les coins, puis donné son 110%. Mais c'est un grand auditeur de C'est fou. Non seulement il anime, il chronique, il fait plein de choses, mais en plus, il écoute beaucoup la radio. Donc, il connaît les pièces, et c'est normal, et c'est mérité quand tu es animateur et autant auditeur de C'est fou de gagner ce quiz-là. Si tu envoies quelqu'un, n'importe qui connaît la musique en général, il n'y aura pas les réponses pour un quiz C'est fou la musique. T'sais. Mais même moi, je veux dire, qui co-anime quand même les palmarès, j'arrive pas à retenir aussi bien les titres de chansons avec les artistes. Je sais c'est quoi quand j'entends la chanson, mais ça vient pas assez vite pour pouvoir participer à un quiz. Je l'ai trouvé quand même assez quickie sur la clochette. Il est très bon. Il y en a pété une, soit dit en passant. Une clochette? Ah, je pense que c'est une blague, ça. Il a pété une clochette? Il a pété une clochette. Pas surprenant du tout. Donc, David, c'est ça. C'est son ex-belle-sœur cinglée qui a écrit une lettre pour lui, dirigée envers nous, mais en fait, plus envers toi, je pense. Ça peut son ex-belle-sœur cinglée. C'est ça. Donc, c'est son ex-belle-sœur cinglée à David Ferron. OK? Ou à moi. Non, ce serait pas mon ex-belle-sœur à moi? Il nous dit que c'est son ex-belle-sœur à lui cinglée qui a écrit la lettre. Moi, je fais que lire ce qu'il m'a écrit sur Facebook. Okay, okay. Il dit « Salut Mathieu, peux-tu dire que c'est mon ex-belle-sœur cinglée qui a écrit la lettre? Merci, petit bam sourire. » OK, parfait. Et ça s'appelle « Lettre à une voleuse. » Point docx. Okay. Point docx, oui, merci de préciser. Donc, ça commence « Salut Stéphanie. » Salut! « Tu ne me connais pas encore et tu devrais. » En effet, mon Gustave t'a sûrement parlé en bien de moi, l'extraordinaire Wiki Hilton. J'espère qu'à chaque fois qu'il parle de moi, tu te roules en boule les veines coupées en te disant, je cite, « Je ne mérite pas, Gustave, je n'arrive pas à la cheville de la merveilleuse Wiki. » Pardon? Pardon! Que de bons moments passés avec mon Gustave. Je me souviens de la fois où il m'a emmené à Paris et m'a présenté Carla Bruni, moi qui souffrais d'insomnie. Je me remémore également des instants de bonheur quand nous gambadions dans la boue et que je glissais jusqu'à ce que je tombe dans le coma. Il a toujours été à mon chevet à l'hôpital dans ces durs moments de ma vie. Mon Gustave, en sucre doré, a fait une grosse erreur en me plaquant pour une fille comme toi. Qu'as-tu d'extraordinaire? Tes lunettes de hipster? Mathieu Plante a le même style de lunettes et ça lui va beaucoup mieux. On n'a pas le même style de lunettes, bon. Pas en tout. Puis là, JP est rendu avec les mêmes lunettes que moi là, parce qu'il me copie bien raide. Je pense que je suis son idole. Parmi les, je continue la lettre de l'ex-belle-sœur de David Ferrand. Parmi les activités en commun pratiquées par moi et mon Gustave, fumer des journarettes. Il s'agit de prendre des pages d'un mauvais magazine ou d'un indigeste journal et en faire des clopes afin de nous détendre à la fin d'une journée. Je me sens nostalgique tout à coup. Il paraîtrait que tu es rédactrice en chef d'un journal. Zone lupus, je crois. Hey! Nous autres, on dit zone prépuce, ça c'est fou. Hey! Serge Gainsbourg, après avoir travaillé avec Vanessa Paradis, a déjà dit « Paradis, c'est l'enfer ». Je pense la même chose de toi, Stéphanie Paparazzi. Tant qu'à être dans la thématique du journal de chiffon. Sur ce, je te laisse avec deux chansons, deux petits cours pour démontrer c'est quoi être la blonde extraordinaire que j'étais et que je serai toujours dans le cœur de mon Gustave. Il s'agit de « Je t'aime à en crever » de Anaïs de son album « The Cheap Show in Your Face » et « Les crêpes aux champignons » de Olivia Ruiz de son album « Miss Météor ». La vengeance est un plat qui se mange froid. Les vidanges sont des mets qui bouffent de la dynamite. Sur ce, hasta la vista, coquerelle de l'ombre puante. Et c'est signé l'ex-belle-sœur de David Ferron, Wiki Hilton. Oh oui, je t'aime. Oh ben tabarouette. Je t'aime en crever tes pneus pour que tu restes là. Je n'aime que toi. Je t'aime en pleurer, mes yeux ne jurent que par toi, et il semble de trop d'amour, et quand j'ai bu, ils se font lourds, et mes paupières se ferment alors. Et je m'endors à mon malheur. Mes rêves m'éloignent loin de ton corps. J'ai peur de perdre ton odeur. Et même si je te serre très fort, je peux m'empêcher d'avoir peur. Où est ton corps lorsque tu dors? Où est ton cœur? Oh oui, je t'aime. Je t'aime à en crever tes pneus pour que tu restes. Je n'aime que toi, je t'aime à te graver sur moi, de peur que tu t'enfuis, et je n'en ai jamais assez. Je crie ton nom, je le tatoue sur le. Je te dessine sur mes seins. Mon corps est comme un mausolée à ta mémoire. Car si tu meurs, tu vis en dessin sous les pores de ma peau fine et sur mon cœur. Sur mon cœur. Oh oui, je t'aime. Je t'aime comme un diamant scintillant d'une amoureuse ardeur. Je n'aime que toi, tu prends l'air méfiant. Pourquoi tu dis que je te fais peur alors que moi, je t'aime à en crever tes pneus pour pouvoir. Merci. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes formidables. Fenêtre que je dois la boucler. Ils disent que je suis folle, que c'est moi qui l'ai tué, que mes idées s'envolent, que j'ai tout oublié. Moi je sais que c'est faux, pour qu'ils reviennent, je chante haut. Olivia Ruiz et les crêpes aux champignons dans la chronique La langue dans ton oreille. Avant ça, on a entendu une autre pièce, c'était Je t'aime en crevé de Anaïs sur l'album de Cheap Show In Your Face. Stéphanie Paradis, droit de réplique, là, David Ferron, son ex-belle-sœur, t'as écrit « Explique-nous la relation un petit peu, là, juste pour ceux qui n'ont pas trop suivi. » Non, ben c'est tout simple. Moi, j'ai eu une aventure avec Gustave. Gustave qui était un frère de David Ferron. Ouais, c'est ça, son frère jumeau. Si à moi à la naissance, mais ouais. Qui finalement a été séparé, ouais. Il était attaché par où, donc? L'épaule, l'ange, le nez? Je pense que c'était pas mal... Tout au complet. Genre. C'était vraiment comme... Ouais. Pourtant, je devrais savoir où était la cicatrice. Hein? Pourquoi je pose cette question? L'homme était une cicatrice ambulance, c'est ce que ça veut dire. Mais non, mais mon Dieu, casse-moi, elle a ses affaires, la grosse vache. Oh, bonne colline! Grosse vache! Je vais pouvoir mettre ça en citation sur Facebook pour faire réagir tout le monde. Comme toujours, dans la vie, j'ai rendu ça. Mais non, mais écoute, le cœur de Gustave a fait son choix. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est ça. Mais est-ce que vous êtes encore ensemble? Ben non. OK. Je suis... Non, Gustave, il s'est sauvé, c'est pas en Asie, quelque chose de même. Ça, il était parti aux Philippines, quelque chose comme ça. OK, bon. Tu vois. C'était une dure séparation, mais moi, j'ai fait le choix de pas y aller. Un vrai téléroman, aussitôt que tu manques un épisode, moi, en tout cas, je me rattrape un petit peu là-dessus. au retour, ça va être François Landry et sa chronique Logocast 101. Cette semaine, c'est Fatima 4, Couillard 0, sans oublier des sondages. C'est son sujet d'aujourd'hui. Mais avant ça, ceci. Hein? Grosse vache, et la station. Un autre t-shirt à faire. Rassemblage qui pour toi aujourd'hui. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage requis en ce jeudi 23 janvier 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Ah ben oui. Donc maintenant, vous savez, ça fait depuis le mois de décembre, mi-décembre, je pense, on peut estimer une date dans le coin de en bas du 15 même. Ça devait être en 2013 en tout cas. Ça c'est sûr. Proche du 15. Proche du 15. Ouais. Dans ces coins-là. Bref, c'est pas mal important. Mais tout ce qu'on sait, c'est que ça fait à peu près un mois qu'on lui a pas parlé. Et là, moi, je suis en manque de politique et ça tombe bien parce que. Dis-le sérieusement sans rire, s'il vous plaît. Ça va marcher. J'ai besoin de ma dose de logocratie sans rire. S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Dangereux. Royal. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. Pompeux. Royal. Royal. Salut François Landry. Monsieur Mathieu Plante. Hey, hey, hey. Madame Stéphanie. Hey, hey. Des hommages. Tu sais, François, tu vas maintenant dorénavant parler à deux imbéciles complets de la politique. En tout cas, je veux pas parler pour Stéphanie, mais... Non, tu parles pour moi, puis ça va. On est très arriérés en politique, on comprend. On est des conservateurs avoués. On est, non, arriérés en politique. Conservateurs, je suis pas sûr d'aimer le terme. Ben non. J'ai plutôt des... Dis pas ça. Hey, mets-moi pas cette étiquette-là. Des incultes de la chose publique. Des incultes, voilà. Ouais. Tout à fait, on n'a aucune connaissance, c'était là pour nous expliquer ça. Ça me surprendrait pas si c'était ta dernière session, mais je te comprendrais à l'avance, mais commence au moins par... La session, t'es généreux. Moi, je prédis d'ici 9h. OK. Tout dépend de vos faces. Alors, on va te faire des regards... Vide. Non, mais je vais commencer avec un sujet quand même léger. Hein? Une suite de chroniques, puis on va finir avec des sondages, parce qu'on sait ici que c'est fou, on aime ça, des sondages. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. On a les codes BBM du gouvernement. Le pouls du public trifluvien. Ouais, la voix du peuple. C'est ça. Au lieu de voter 3 piastres à Star Academy, on vote gratis dans les sondages. Et voilà. Donc, Fatima 4, Couillard 0, c'est le titre, la première partie du titre, oui. Parce que le reste, ça va être sans oublier les sondages. Mais oui, Fatima 4, Couillard 0, c'est un retour sur la chronique de décembre. Oui, à ma chronique du 21 novembre dernier, je sais que tu t'en souviens, tu l'as entouré dans une grosse croix sur ton... Entouré d'une croix. Non, mais c'est juste pour te dire à quel point la charte t'influence. Tu mets une croix partout maintenant. OK. Oui, ostentatoire. Ouais. Hein? Oui. Bon. Donc, après la sortie publique de la députée libérale Fatima Oudapepin, la seule députée musulmane de l'Assemblée nationale, et Noam Irkadir n'est pas musulman, contrairement à ce qu'on pense, il est officiellement laïque. Donc, pour dénoncer la position controversée et improvisée de son parti au sujet de la fameuse charte de la laïcité. Hein? On en a tous mangé de la charte pendant le temps d'une dinde. On peut faire encore des reflux gastriques là-dessus, encore aujourd'hui. Donc, j'accordais 2 points à Fatima Oudapepin et 0 point au chef Couillard. Elle avait osé défier son chef. On s'en rappelle, c'est un fait rarissime au PLQ, surtout sous l'ère Charest. Aucun député n'avait le droit de lever le sourcil contre son chef, sinon il se faisait rabrouer rapidement. Mais là, Fatima a osé défier publiquement, non pas juste un sourcil, publiquement son chef Philippe Couillard. Elle avait écrit une lettre dans les médias, en plus, pour dénoncer son collègue Marc Tanguay. Donc, c'était un tir ami. Elle tirait dans ses propres troupes. Ouais. Qui avait dit, Marc Tanguay, que le PLQ accepterait même les femmes arborant le tchador parmi les députés ou les membres du Parti libéral. Alors qu'il n'avait aucune position là-dessus. Et le tchador, c'est le complet. Là. Le complet. Donc, c'est le kit complet. On voit absolument rien. Et Fatima, qui se bat depuis toujours, depuis qu'elle a la couche aux fesses, contre justement l'asservissement de la femme de par les symboles tels que le tchador. Donc, 1-0 Fatima à cette époque-là. Puis, devant le tollé soulevé, Couillard n'a eu d'autre choix que de réintégrer Fatima dans les rangs. Il l'a convaincue de revenir sous promesse de revoir la position du parti face au port des signes religieux. Donc, en plus de tirer dans ses troupes amies, elle obligea le parti à réfléchir. 2-0 Fatima. Difficile de réfléchir. Samedi dernier, donc là on est en 2014, le caucus du Parti libéral s'est réuni pour discuter de cette position à prendre finalement après plusieurs mois, parce qu'on suit c'était au mois de novembre ça, donc ça a pris quand même 2-3 mois. 5 heures de réunion et Fatima Oudapepin, donc députée encore à cette époque-là, a quitté la douzaine de ses collègues députés rassemblés à la permanence du PLQ sans préciser ses intentions. Elle a claqué la porte Et puis, c'était beau à voir sur Twitter, Facebook, à la suite de ça, en disant, Philippe Couillard, son compte Twitter, dit, je ne sais pas où est Mme Ouda Pépin. Si quelqu'un l'a vu, s'il vous plaît, contactez-la. Aïe, aïe. Mais jour... où se cache? Ouais, c'est... Effectivement. Ouda Pépin. Moi, je dis qu'il y a des pépins in the hood. Oh, elle est bonne, celle-là. Pépin in the hood. Elle est bonne, Mathieu. Elle est bonne. Merci. Puis, lundi, en réunion spéciale, toujours avec son même caucus, elle claque la porte, tout simplement. Là, elle ne quitte plus la salle, elle claque littéralement la porte. Selon ce qu'elle a affirmé, ses collègues refusaient encore une fois d'interdire le port des signes religieux, même pour les figures d'autorité. Donc, que tu sois un juge, un gardien de prison, un policier, un procureur de la couronne, tu aurais le droit d'arborer un symbole religieux. Pour les figures de style aussi, c'est accepté. Si, mettons, tu veux faire une expression, tu veux faire une figure de style, tu te mets un cheddar. Le cheddar. C'est un mélange Tex-Mex. Flock. You know? Donc, dit-elle, c'est une porte ouverte à beaucoup de dérives. J'ai passé une trentaine d'années de ma vie à lutter contre l'intégrisme. Je ne peux pas dire d'un côté de la bouche que la porte est ouverte à tous et de l'autre, dire que je continue de lutter contre les intégristes. Donc, souligne-t-elle. Si on laissait à Jean Chrétien parler de la bouche. Oui, parler deux langues secondes du même côté de la bouche. Très récent, quand même. Donc, 3-0 Fatima rendu à cette époque-là. En point de presse, immédiatement après la réunion, Philippe Couillard annonce devant l'ensemble de sa députation, ça aussi c'est à beau avoir, tu sais, un beau petit making, un makeover, là. Oui. Donc, lui, transformation devant, extrême. Oh, oui. Et tout le monde derrière, gros sourire, tout le monde appuyait le chef. Dès qu'il disait, il faisait un signe de tête, oui, pour appuyer ses propos, tout le monde en arrière, comme des mariadettes, oui, tu sais, des bobolettes, là. Pareil, c'est à beau avoir. Donc, c'était tout simplement pour démontrer qu'il était encore le chef, parce que là, il y avait une députée qui avait claqué la porte. Donc, qu'est-ce qui arrive? On conteste le chef, une course à direction s'amorce. Qu'est-ce qui arrive avec Couillard? Et surtout que ça faisait des semaines, des mois qu'on n'avait pas entendu ou vu Philippe Couillard parler de la charte. Alors qu'il est le chef officiel de l'opposition, il se doit de varger ce gouvernement, en bon terme, ou du moins de manifester son opposition en argumentant. Et là, il n'y avait absolument rien. Donc, Philippe Couillard, dans sa conférence de presse, a dit qu'il lance un ultimatum à ses députés. Il n'a même pas pu l'appeler. Il a fallu qu'il fasse une conférence de presse pour l'interpeller parce qu'elle n'était pas rejoignable. Donc, il a dit, ça passe ou ça casse, tu restes ou tu quittes. C'est quasiment comme lui dire de marcher sur la planche, là, comme dans le temps des pirates. Là, tu sais, dans les pirates comme, tu sais, Couillard! Couillard! Comme les pirates disaient. Non, moins. Couillard! Moi. Je l'avais jamais fait avant. Ouais, mais... Quand même pas fait. Pratique-la encore. Pratique-la. Donc, ce qu'elle fera, donc, elle quittera le Parti libéral. Fatima Ouda Pépin est désormais la députée libérale indépendante de la Pinière. 4-0 Fatima. Ou la Pépinière, dans le cas de Pépinière, oui, parce que ça peut faire des petits. Ouda Pépin, oui. La Pépinière. Donc, le Parti libéral se retrouve fragilisé. Qui plus est, l'hésitation du chef à prendre rapidement et clairement position sont mal perçues par la population. Comment pourrait-il gouverner le Québec s'il ne peut répondre adéquatement à un dossier aussi chaud comme la charte? Donc, ça s'est reflété dans les sondages. Il y a eu des sondages pendant cette époque-là. Et le Parti libéral est en chute libre. Avant, dans les sondages, Mathieu, tu te souviens, ça talonnait. On ne savait pas qui était pour gouverner. C'était pour être un gouvernement majoritaire et minoritaire. Et on avait dit, juste avant les fêtes, que Pauline Marois était maintenant en hausse, mais j'avais mis des réserves là-dessus, à savoir, on va attendre 2-3 autres sondages, savoir s'il y a une tendance ou une erreur d'interprétation des données. Mmh. Et la tendance se maintient, oui, comme dirait l'autre, qui a pris sa retraite. Bernie. Un sondage Léger Marketing sorti le 18 janvier, donc cette semaine, prévoit plutôt que le Parti québécois aurait 36 % des votes, alors qu'il l'avait 32 un mois plus tôt. Le Parti libéral passe à 33, il avait 37 points, donc une chute de 4 points. Pour les libéraux, c'est faramineux parce que 40 % des libéraux, c'est le maximum qu'ils peuvent avoir. 33, ils deviennent minoritaires automatiquement parce que le vote francophone vient influencer le vote allophone. Et ça, on pourra décortiquer par la suite. Coalition Avenir Québec, 17 %, il avait 19 %. Québec solidaire stagne à 8 %, donc sa base de solidaire est à 8 % et le Parti vert du Québec, 3 %. Donc, quand même, lui, c'est la marge d'erreur. Sondage Crop, qui est sorti deux jours plus tard, qui disait que le Parti québécois, 35 %. Donc, on voit 35 pour celui-là, Léger, 36. Donc, encore là, une marge d'erreur de 1 %, c'est acceptable. Le Parti québécois est donc officiellement en hausse. Le Parti libéral du Québec, cette fois-ci, est à 35 % plutôt que le 33 de l'autre. Donc, c'est là que ça peut jouer, tout dépendamment de l'interprétation des données et quelle population est ciblée. a été plutôt téléphoné ou contacté sur Internet. Harcelé, oui. Ouais, non, c'est plutôt sur Internet maintenant. C'est plus de téléphone, oui. Hein? Moi, je suis abonné sur Léger, puis je remplis les sondages, puis... Nous autres aussi. C'est nouveau. Non, ça fait longtemps, moi. Mais moi, c'est nouveau. Est-ce que c'est comme les codes d'écoute de BM? Est-ce qu'une personne en vaut 3000 genre, dans ces sondages-là? Parce que ça vaut rien, ces maudits sondages-là, pour vrai, non? C'est quand c'est téléphonique, c'est probabiliste. Donc, il y a un calcul à faire, le 19 fois sur 20, marge d'erreur. Bon, ça, c'est une donnée scientifique. Quand c'est sur Internet, c'est une liste d'abonnés. Donc, des gens qui ont un intérêt pour la chose. C'est ça, exact. Donc, à chaque fois qu'on le remplit, ça vous arrive souvent de dire « Je remplis, bon, ok, je suis un homme, je viens de la Mauricie, je suis en tel âge, tel âge. Ah, désolé, on a déjà votre ratio. » Ouais, ben si tu m'avais téléphoné, j'aurais répondu, tu m'aurais pas raccroché au nez, tu aurais fait le sondage pareil. C'est vrai que c'est rare, c'est eux autres qui raccrochent quand ils appellent pour un sondage. Ah non, ça me tente plus. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est pas probabiliste. Donc, les sondages, maintenant, Internet, ne sont plus fiables comme autrefois. Okay. J'ai déjà fait des cours, justement, de sondages dans mon autre vie. Et avec le calcul scientifique, tous les sondages téléphoniques d'autrefois étaient fiables avec la marge d'erreur de 1 à 2 tout dépendamment de la population. Maintenant, avec Internet, c'est non probabiliste, donc on ne doit pas s'y fier, mais on peut regarder les tendances. C'est ça, ça n'empêchera pas les médias d'en parler non plus pendant Ça fait la une à chaque fois. Mm-hmm. Et on oblige les politiciens à commenter. Donc, Québec solidaire, 10 %. On voit que, selon Léger ou CROP, ça bouge. Et Option nationale fait son apparition chez CROP avec 3 %, alors que le Parti vert n'est pas là. Donc, le 3 % en fait, c'est les autres. Si tu ne sais pas pour qui voter, tu vois Option nationale pour sondage CROP ou Parti vert du Québec pour le sondage Léger Marketing. Maintenant, voyons de plus près quelques résultats intéressants que l'on retrouve dans l'analyse détaillée du sondage Léger Agence QMI. J'ai pas eu le temps d'analyser CROP. Pardonnez-moi. J'ai seulement analysé le Léger Marketing. Dans les intentions de vote, on note que les appuis au PQ, 36 % au Québec, au Québec et 41 % des francophones, atteignent un sommet de 44 % en région. Donc, c'est en région que le Parti québécois est le plus fort. À grandeur du Québec, c'est 36. Dans les régions, si on exclut Québec et Montréal, c'est 44 %. Là où, justement, l'appui à l'interdiction des signes religieux est très élevé. 70 % des gens de région, donc les ruraux, ben nous autres, là, les ruraux, les non-montréalais québécois, ouais. À 70 % on appuie la charte. Pour ce qui est des intentions de vote décortiquées par tranche d'âge, là, le phénomène, la situation est très, très belle. Le même phénomène se reproduit. La charte étant nettement moins populaire chez les plus jeunes, donc nous autres, on note ici qu'à peine 25 % des répondants de 18 à 24 ans appuient le PQ. Donc, moins le quart de la population appuie le PQ chez les jeunes. Chez les 25-34 ans, par contre, le PQ et le PLQ sont presque nés à nés, 34 et 35 % respectivement. Donc, chez la génération X, appelons de 25 et plus, on vote un ou l'autre, peu importe, il n'y a pas de différence. Pile ou face, tu votes, puis si tu votes. Oui. Et chez les 35-44 ans, le PQ ne récolte que 23 % d'appui contre 32 pour le PLQ. La CAQ monte à 28. Donc on voit que chez les X plus vieux, c'est la CAQ qui est en hausse. Chez les 45 et 64 ans, le PQ reprend du poil de la bête avec 44 % d'appui. Après 65 ans, le PQ et le PLQ se retrouvent à nouveau à égalité avec 39 %. Donc, on voit que le PQ est un phénomène générationnel. Les baby boomers votent PQ, tous les autres votent PLQ, CAQ, PQ. Ça, on se divise le vote. Donc, pour le PQ, autrefois un parti jeune et audacieux, ses résultats reflètent le vieillissement de sa base électorale traditionnelle, mais aussi sa grande difficulté à gagner l'appui chez les plus jeunes, donc chez les plus jeunes générations. Comment veulent-ils gagner un référendum s'ils n'ont pas l'appui de la jeunesse, alors que c'est eux qui vont fabriquer le pays? C'est une question qu'on peut se poser. Son option s'en ressent aussi. Seulement 37 % des répondants répondraient oui à un référendum sur la souveraineté, dont 44 % de francophones. Même chez les francophones qui ont... On se dit la première... Le lien commun qui nous unit pour construire un pays Québec, c'est le fait français. Alors que 44 % des francophones voteraient oui, donc ça veut dire 56 % diraient non. Mm-hmm. Hein, on s'entend. Par tranche d'âge, le oui ne récolte que 34 % chez les jeunes de 18 à 24 ans, 33 chez les 25-34 et 26 à peine chez les 35-44 ans. Donc, c'est vraiment, une fois encore, les baby-boomers qui voteraient oui. Donc, c'est un phénomène générationnel, le PQ. Donc, quand les baby-boomers vont... quitter par voie naturelle, le PQ devrait quitter, être évacué par voie naturelle aussi. Ah! Oui, mais ils vont utiliser quoi pour s'essuyer après ça? Du PQ, c'est ça. J'avais pas pensé à ça. Non, t'avais pas pensé à ça? Non, très bonne. sur qui ferait le meilleur premier ministre du Québec. Pauline Marois a de quoi se réjouir, car 27%, les 27% qu'elle obtient pour le Québec montent à 33% chez les francophones. Donc, le tiers de la population est derrière Pauline Marois. Philippe Couillard est à 20% et 17% chez les francophones. Donc, on voit que lui, sa charte, il se bat contre la charte pour avoir le vote allophone, parce que les francophones ne l'aiment pas. Ce n'est qu'un tiers des francophones, mais c'est presque le double de son adversaire libéral. Pour Pauline Marois. Donc, par contre, chez les 18-24 ans, Marois ne reçoit que 13% d'approbation. 26, là, c'est compliqué. Les résultats sont aussi mauvais pour Philippe Couillard, alors que Françoise David de Québec solidaire a 2 points de plus que Pauline Marois. Donc, les jeunes aiment Françoise, n'aiment pas Pauline. Alors que c'est les jeunes qu'il faut aller chercher chez le PQ pour gagner des élections ou un référendum. Madame Marois, elle ne passe pas chez nous autres, là, notre population. Décidément, le PQ peine à séduire les plus jeunes, dont la génération 35-44 ans, où c'est ceux qui votent, c'est eux autres, les 35-44 ans, puis ils ne passent pas non plus. Pour le taux de satisfaction envers le gouvernement, un indicateur important à prendre en compte lorsque vient le moment de déclencher des élections, parce que présentement, les paris sont ouverts, puis je t'avais de partir mon pool électoral. T'avais déjà gagné, Mathieu? Tu te souviens pas? Non. Oui, ça t'a marqué. T'avais déjà gagné. J'ai gagné. T'avais déjà gagné un pool électoral que j'avais fait. Ah, ouais. Ouais. Ah, ben, OK. Oui, t'avais peut-être 10 piastres. Je sais plus. T'avais gagné. Ça, chose certaine, t'avais 3 points de plus d'avance que sur les autres. Oh, ouais. Ben. Comme quoi, le hasard, des fois, ça c'est paye. Ça. Donc, des 38% pour l'ensemble du Québec. Le vote en faveur d'une élection monte à 45% chez les francophones. Donc, les francophones aimeraient, mettons, 1 sur 2 aimeraient avoir des élections. Puis, 38% chez la population québécoise aimeraient avoir des élections là, au printemps. Ah oui, hein? On est tanné de la télévision. Déjà, 19-2, ça joue plus. Trauma, c'est plate. Unité 9, Guylaine Baudouin, Guylaine Tremblay, on sait pas qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. On veut des élections. Hein? La population a parlé, on veut des élections. Le pouls de Trois-Rivières. Du moins du studio aussi. Hein? Okay, en tout cas, moi, je veux des élections. Il y a des poux dans le studio. Ouais. Ouais, on va en gratter aussi dans le dos de Pauline. Parce qu'elle a quelque chose à cacher ces temps-ci. Eh bien. Ouais. On s'en reparle la semaine prochaine, bien sûr. Fort probablement. C'est certain. À 8h30, les jeudis, dépendant du sujet, on verra bien ce qui se passe pendant la semaine. On verra bien. Ça fait un mois qu'on n'a pas parlé de politique ensemble, fait que c'est sûr qu'il va y avoir plein d'autres choses à mentionner la semaine prochaine. C'est sûr, je me suis gardé en réserve. C'est pour ça que arrive sur le tard. Mm-hmm. D'ailleurs, comment ça fait que CAC, là, on prononce ça CAC, mais PLQ, on prononce pas plouc? Plouc. Des ploucs. Ouais. Parce que. C'est comme ça. Hein? Voilà. Merci, François. On va écrire sur Twitter à François Couillard. François Legault, il est très actif ces temps-ci. Oui. Il trippe sur Eugénie Bouchard. Oui, ben c'est normal. Il a dit. Qui trippe pas dessus? Ben moi. Bon. Je suis de la jaillite de tennis, mais bon. Non, on parle pas de sport. On s'en sac dessus de sa raquette, sérieux. Cute. Ben oui. OK. Oui. On va aller voir ça. Ben oui. OK. À jeudi prochain. Bye bye. C'est un petit compte-rendu de ce que t'es allé voir de Bouchard sur Internet. Pour l'instant, une petite pièce rapide de notre ami Baja Boulat, une autre jolie fille, Tonton Shadow. Après ça, on a un concours à vous offrir. Oh! Ça sent bien. Okay. Je peux-tu gagner? Non. Ah. François, peut-être. Mais pas moi, je gagne un pool. Fait que c'est assez. Je savais pas. Arrête de t'en vanter. <C'est ça. rire> I'm number one. Be true or be gone. You're only fooling yourself. Open hand or not, you are holding out. But there is no life that you can't live in. Tear it apart. Your old confession made in the dark. Now every eye. Thank you. Tantôt Shadow de Baja Bulat. Dans quelques instants, on va faire un petit concours avec trois gars sur le sofa, Steph. Ben oui. Une paire de billets. Une paire de billets à faire tirer pour un spectacle le 30 janvier prochain. Donc, je pense qu'on va l'entendre une toune, puis ouais. On vous revient avec les détails. Pour l'instant, c'est la pièce météo, trois gars sur le sofa, à Assemblage Requis. Lundi, je me suis levé, faisait tellement pas beau que même les pigeons fonçaient d'un poteau. Mardi, je me suis levé, faisait tellement chaud, le feu a pogné dans l'usine de Poncho. Mercredi, je me suis levé, faisait tellement frette que même en avoir mille, c'était pas assez couverte. Jeudi, je me suis levé, c'était tellement humide, tout le monde a frisé, permanente splendide. Vendredi, je me suis levé, il battait tellement, pas moyen de prendre une marche en s'avance, c'est si bien. Il fait jamais assez beau pour sortir dehors, pis quand ça se bon sa main, tout le monde chiale encore. Fait que fin de semaine, on prend un break, pis on jase à sport. Ça a l'air que lundi, il va tellement neiger que même les huskies vont rester pognés. Mardi, je vais me lever, il va tellement pleuvoir, vouloir s'acheter des bateaux pour se rendre à nos chars. Mercredi, je vais me lever, avoir tellement de brouillard pour pas perdre nos enfants, vouloir les suivre au radar. Jeudi, je vais me lever, avoir tellement de verglas, rien que d'une poussée, tu vas te rendre au centre d'achat. Vendredi, je vais me lever, ça a l'air qu'il annonce beau, mais ça a le temps de changer, j'aime mieux rien planifier. Fais jamais assez haut pour sortir dehors, pis quand ça du bon, ça va être tout le monde chiale encore. Fait qu'en fin de semaine, on prend un break, pis on jase la chambre. Trois gars sur le sofa et la pièce météo à Assemblage Requis, n'est-ce pas, Stéphanie? Ben oui, trois gars sur le sofa. Ben, t'avais-tu ça, Mathieu, qui va être en spectacle à Trois-Rivières le 30 janvier prochain? Ah non, mais dis-moi en plus! À 20h? Mm-hmm. Au coup de... Non, ben... Ben, ils vont présenter un nouvel album. C'est des gars qui sont devenus papas, fait qu'ils ont une nouvelle équipe. Donc, entre le deuxième et le troisième opus, les membres de Trois gars sur le sofa ont réussi à se ressourcer. Donc, c'était volontaire, ils ont pris du temps pour reprendre leur souffle. Maintenant, ils sont énergisés, puis ils nous présentent un album au texte tout en humeur, en gardant cette profondeur si touchante et authentique. Maintenant, ils sont quatre sur les planches. Donc là, c'est rendu quatre gars sur le sofa dans Trois gars sur le sofa. Avec un bagage de tournée incomparable et un spectacle survitaminé, ben, Trois gars sur le sofa est prêt pour tous les types de scènes. Donc là, à Trois-Rivières, ça va être à la salle Louis-Philippe Poisson. OK. Oui, j'attends. Bloup, bloup, excuse-moi. Oui, merci. Je t'ai passé rapide sur le bloup. Ben non. Pourquoi? Fait que, ben, aujourd'hui, on vous donne la chance de gagner une paire de billets quand même. Ah, mais non, ben, fin, écoute-moi. Donc, ben, ça vaut quand même 20$. C'est 18 et 20. Pourquoi et 20 pour les étudiants? 18 et 20. Qui a décidé que le 20 cents est nécessaire? Vraiment. En tout cas, je dis ça de même. Mais on fait tirer une paire de billets aujourd'hui. Donc, vous pouvez appeler. On prend combien de appels, Mathieu? On prend le troisième appel au 819-376-5183 parce qu'il y a un 3 à la fin. C'est oui, pour ça. Donc on prend le troisième appel. Donc appelez maintenant au 376-5183. Pendant qu'on écoute une autre pièce de Trois gars sur le sofa, moi j'aime bien Véronique. Donc écoutons-la. Encore une fois, 819-376-5183 pour tout le monde qui nous écoute là. Là, on est jeudi matin, il est 8h57. Vous n'avez rien de mieux à faire que nous appeler. Appelez, un bon show gratis. Come on! Bonne chance. vomi dans mon lit. Puis le gars qui est couché sur le sofa, je sais pas c'est qui. Le frigo est en feu, le chèque coupé en deux. Comment ça que sur le plancher du salon, y'a des traces de pneus. J'ai l'air un peu perdu, c'est ça qui m'a dit mon voisin d'en haut. Après m'avoir renversé un peu de café, sa tête par le trou dans le plafond. Regardons, y'a un trou dans le plafond. Mais ça fait rire, j'suis pas vraiment chez nous. Ça sent encore le parfum de ton cou. Plane encore, j'vais aller m'acheter du lait. Maudine qui sont belles les bêtes de lait. Les fleurs sont belles, puis ça sent bon en ville. Qui quelque au coin de la rue, j'ai fait un chèque de 1000. J'prends tout le monde dans mes bras. Y'en a qui aiment pas trop ça, mais y'en a qui aiment pas mal trop ça. J'pense que j'devrais arrêter ça. J'écoute les infos pubs, j'achète tout plein de produits. Un appareil pour affermir les muscles de mes sourcils. J'ai mal la bonne humeur, j'fais chier ceux qui sont tristes. C'est vrai que j'en mets un peu quand j'serre la main tous les cyclistes. Mais ça me fait rire. Tout le monde a une face drôle, on dirait qu'il comprennent tout ce qui m'arrive. J'plane encore, j'me mets du plomb dans les poches, j'm'attache à une clôture avec la broche. Ça fait 3 heures que j'vis. J'ai besoin de rien dans ma tête. Y'a un film qui passe puis je trouve bon. Tu joues tant pis sa vie. Véronique de 3 gars sur le sofa, félicitations aux gagnants du concours. Et si vous avez envie d'en gagner une, vous aussi, écoutez le dîner de con ce midi entre 11h et 13h avec Danny Jorguet. Hey, c'était vraiment bon, j'ai aimé ça ce tune-là. Ah, c'est ma préférée pour vrai, c'est pour ça que j'ai mis. J'adore ça. Ben, Caroline, merci, bon choix. Ouais, donc 3 gars sur le sofa, spectacle à la salle Louis-Philippe Poisson. C'est quand la date? C'est le 30 janvier. À 20h. À 20h. Merveilleux. Au retour, la bouffe de la semaine avec Stéphanie Paradis. Ah, enfin, j'ai faim. C'est fou. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Eh bien, bonjour. Vous, ça vous adonne que vous êtes toujours à Assemblage requis les matins comme ça, entre 6h30 et 9h30. Là, c'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Et on est très heureux de vous avoir à l'écoute. Alain, écoute. Alain, écoute. Salut, Alain. Alain, j'espère que t'écoutes. Voilà. Donc, tiens, hey, Stéphanie. Oui, Mathieu. T'as faim, hein? Oui, j'ai faim. Mais t'as pas faim là, là? Non. T'as faim, genre, dans une pièce musicale? Parce qu'à un moment donné, non, t'as faim là, hein? Ah, oh, je te reconnais. Ben oh, ben non, faim, ben là. Non, ben non, je vais être patiente. Ah, ça okay. Va être juste meilleur. Mais moi, je vais t'offrir une nouvelle pièce du palmarès anglophone. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On découvre les nouvelles pièces qui vont jouer dans les palmarès C'est fou tout à l'heure, entre 15h et 18h. On écoute Balladeur. Balladeur. Ah, je pourrais avoir faim pour ça aussi. Ah, voici A Life Like This. Et après ça, c'est la bouffe de la semaine. Enfin. I can't.

Une nouvelle entrée de About, c'est Built It. Que c'est bon! Mais hein? Le granola et la toune. Quel combo incroyable! Ah, c'était merveilleux! Mais c'est ça, déjeuner en écoutant Assemblage Rocky, pour ceux qui font ça, qui ont l'opportunité de se lever tard. Dépend de quand vous écoutez ça. Là. Ça se peut que les gens écoutent ça ce soir aussi. On pourrait peut-être faire un autre concept aussi. Au lieu de dévoiler le matin même ce qu'on va goûter ensemble, je pourrais le dévoiler la veille. Là, tout le monde va s'acheter ça à la maison. Ah oui! Puis on y goûte tout en même temps. Ce serait génial! C'est le fun, hein? On essaiera ça un bon moment donné, un petit événement spécial. Mais pour l'instant, ce qu'on vous propose, c'est un autre concours. Tantôt, on vous a proposé un concours sur Trois gars sur le sofa qui va être en spectacle, on le rappelle, le 30 janvier à 20h. Il y a aussi un autre spectacle qui s'en vient. C'est celui de June in the Field qui est le 31 janvier à 20h aussi, toujours au Centre culturel Pauline Julien. Donc, ça va être un concours qu'on vous fait là. On vous offre une paire de billets avec Jean-Michel Renaud et Mélissa Brouillette qui forment ensemble June in the Fields, un prodigieux guitariste des textes frissonnants de vérité et une voix féminine des plus charmantes. Le duo vous offre un folk full feeling, comme ils disent. Un spectacle sensible et intuitif où deux voix et une guitare s'harmonisent dans la simplicité pour ne faire qu'un. Voilà. Donc, et en plus, Mélissa Brouillette qui vient de Trois-Rivières elle-même. Mm-hmm. Bravo. Donc, on écoute June in the Fields et la pièce Adam and Sea qui était sur le palmarès anglophone jusqu'à très récemment. Et on attend vos appels pour gagner une paire de billets. C'est le 819-376-5183. On le répète, le 819-376-5183. Et on prend le deuxième appel. Bonne chance. Sunshine like diamonds on the Andaman Sea. Behind the mountains, it is fading slowly. Purple, orange, and blue, the colors of my heart. It's good to be part of it now. It was needed to be free a little time on my own. What I had to find, I could only find it alone. But now it's good, I've solved it out. Now it's good, I can say it out loud. Don't really need to say it out loud. There's still a part of you shining on my soul. Must apologize if I left you alone on the road. There's still a part of you shining on my soul. All you've learned to me is much more precious than gold. Love it could grow deeper. It was needed to be free, sailing towards the shore, a little older and wiser than before. Something's waiting for me and I know I own the key, well I know I own the key. And there's still a part of you shining on my soul. Must apologize if I left you alone on the road. There's still a part of you shining on my soul. All you've learned to me is much more precious than gold. Alone, but never alone with you and all I do. Alone, but never alone, it's true. Alone, but never alone with you and all I do. Alone, but never alone, it's true. Alone, but never alone with you and all I do. Alone, but never alone is true. Sunshine like diamonds on the Andaman Sea. Behind the mountains it is fading slow. June in the Fields et Adamancy. Oh. Mon Dieu, c'est bon. Oh. Félicitations encore aux gagnants. Et on rappelle le spectacle au Centre culturel Pauline Julien. C'est le 31 janvier prochain à 20h. On va en reparler d'ici là, c'est certain. Et si vous avez manqué votre chance pour les billets, écoutez Dîner de cons entre 11h et 13h. Ben oui, il y a encore plein d'autres billets à faire tirer. Donc, soyez à l'écoute. Toujours à l'écoute, assez fou, bon. Toujours. On sait jamais quand est-ce qu'il peut avoir un concours puis des billets qu'on vous piche par la face. Comme, c'est ça. Ah ouais, pour avoir un show gratis. On est tout sauvage, hein? Vraiment, là, ça pourrait vous couper quelque chose. Là. Paper cut de billets, là, c'est jamais le fun. Fait que faites attention, protégez-vous et écoutez-nous pour le savoir à l'avance parce qu'on va vous le dire deux minutes à l'avance. Protégez-vous. Oui. C'est tout pour Assemblage Rocky pour aujourd'hui. On remercie François Landry, sa collègue Logo Grasse 101. On remercie David Ferron qui nous a envoyé une belle lettre. En fait, c'est pas lui, c'était son ancienne belle-sœur. C'est ça, exactement. Qui m'a envoyé une lettre de bêtise, finalement. Et tu pas fine, mais bon, que voulez-vous? T'as pris ta revanche en la traitant de grosse vache. Merci à toi, Stéphanie Paradis. Ça fait plaisir. Merci, Mathieu Plante. On se retrouve lundi entre 6h30 et 9h30. Lundi à l'émission, on va avoir un joueur ou une joueuse d'improvisation, comme toujours pour la chronique dans les coulisses de la Luître. Roxane Dulon de la GQTR va être avec nous pour parler des activités et événements à venir. Et on va apprendre des choses, comme toujours, très intéressantes. Le lundi, c'est ce qu'on fait, c'est un fait. On fait lundi entre 6h30 et 9h30, toujours en direct à partir de 7h30. Allez voir cif.ca pour la programmation, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados de diffusion. Sur nos ondes aujourd'hui, Stéphanie, savais-tu? Quoi? Que on va être de retour à 15h pour les paparazzi, c'est fou. Ah non! C'est vrai, on va animer ensemble tout l'après-midi. Je pensais que je m'en allais. Ben non. Mais avant ça, il va y avoir Mademoiselle Blues à 13h. Oh. Avant ça, le dîner de con avec Denis Jambier à 11h. Avant ça encore, dans moins d'une demi-heure, c'est les Belles et les Bêtes, l'émission de variété. Mais une belle programmation, ça. C'est le fun, hein? Caline. Passons donc, fais une belle petite fin de semaine à faire ce que t'as envie de manger du granola. Pis... On dirait que tu t'en allais sur une insulte. Hey, passe donc une belle fin de semaine. Ah! T'interprètes ça comme ça, toi? OK. À lundi. Bye! Bye!